François Morel, c'est à vous. Ah, bien, attendez. Oui, cette semaine, étant donné que c'est la dernière chronique de la saison, j'ai pas trop travaillé. J'ai apporté mon mélodica pour faire un peu de musique. Enfin, c'est pas encore tout à fait de la musique. Je suis en formation musicale, mais quand on dit que la musique adoucit les mœurs, c'est faux. Depuis que je me suis mis au mélodica, on n'arrête pas de s'engueuler avec ma femme. Elle trouve que je joue trop fort, mais c'est pas la question, c'est que je joue faux. J'ai dit, tu te rends pas compte de ton intolérance. J'ai dit, si Ravel avait dû essuyer les mêmes critiques que moi, il aurait jamais pu écrire son boléro. Le boléro que je joue n'est pas tout à fait le boléro de Ravel, c'est d'après Ravel, c'est un arrangement. Sinon, l'ambiance est bonne à France Inter. Je suis allé voir Laurence Bloch dans son bureau la semaine dernière, elle m'a offert une gourde. Je sais pas comment je dois le prendre. Dès septembre, on sera au taquet, on va essayer de faire encore de meilleurs scores pour rester la première radio de France et ainsi rendre encore plus dur le plan social qui s'annonce. Le ministre de la Culture a expliqué que c'est parce que tout allait bien à Radio France qu'il fallait changer et notamment sabrer le budget. Je me demande si on n'aurait pas dû essayer d'être encore un peu plus médiocre afin de garder tous les effectifs. C'est ma dernière chronique de la saison. On peut pas être trop exigeant. L'année est faite. On a déjà la tête ailleurs, sur la plage ou la perspective de l'année prochaine. Tout à l'heure, Augustin va présenter Boomerang. Il est comme moi. Il est venu un petit peu les mains dans les poches. Il a pas trop préparé de questions non plus. Il espère que l'invité sera sympa. Il est venu avec un Monopoly, des petits chevaux et un Milborne. L'année prochaine, moi, si je suis au point, je ferai toutes mes chroniques au Mélodica. J'ai toutes les vacances pour répéter. À propos de vacances, vous savez qu'Hervé Pochon s'en va, on l'embrasse parce qu'on l'aimait bien et qu'on espère retrouver ailleurs sa délicatesse, son empathie, son absence de cynisme, sa manière discrète et souriante d'envoyer de bonnes ondes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire à la radio que tenter d'envoyer de bonnes ondes? Déjà fini mon intervention, dommage, je n'ai encore rien dit. Merci, hein. Merci François.